Section 62 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 12, deuxième partie, La conquête, Reconquista, de l'Espagne, suite, par Jean-Hippolyte Mariéjol. Apparition des Almohades. Les embarras des Almoravides en Afrique avait rendu facile cette course aventureuse. Déjà croissait la puissance des Almohades. Ce fut encore une secte qui fonda un empire. La réforme religieuse suscita un nouveau conquérant, Mohamed ben Abdallah ben Toumert, qui avait étudié à Cordoue et à Bagdad, commença dans le Maghreb ses prédications. Chassé de Bougie, il se dirigea vers l'ouest et s'adjoignit comme disciple un jeune homme, Abd el-Moumem, remarquable par son intelligence et sa beauté. Tous deux vinrent à Maroc, où Abdallah n'hésita point à faire la leçon à l'émir en personne, et même à frapper sa sœur, qui se promenait à cheval, le visage découvert, contrairement aux prescriptions du Coran. Quoiqu'il fût doux et patient, Ali ne pouvait supporter un pareil outrage. Il chassa de la ville le provocateur. Celui-ci alla s'établir dans un cimetière, et s'y construisit une demeure parmi les tombeaux. Du milieu de ce champ de mort, il continua à agiter les vivants. L'ordre fut donné de le saisir. Il s'enfuit avec ses disciples. C'est l'Égir Almohade, 1120. L'apôtre s'établit à Tin Malal, sur un plateau inaccessible de l'Atlas. De là, ses bandes, animées d'un zèle farouche et d'un courage indomptable, ravageait au loin la campagne, soumettait le pays et propageait la réforme. En 1122, elles remportèrent leur première victoire sur les Almoravides. En 1125, elles marchèrent sur Maroc, capitale de l'Empire, et, bien que cette fois elles eussent été vaincues, elles avaient donné la mesure de leur audace et de leur force. Dernière victoire des Almoravides à Fraga. Le disciple favori, Abd el-Moumen, proclamé émir el-Moumenine, commandeur des croyants, imprima à la lutte une nouvelle ardeur. Les Espagnols en profitèrent pour reprendre l'offensive. Le roi d'Aragon chercha à enlever aux Almoravides le bassin inférieur de l'Ebre. Un grand nombre d'étrangers vinrent se ranger sous ses drapeaux. C'est l'époque des grandes expéditions en Palestine. Un mouvement général entraîne l'Europe contre l'islamisme. Beaucoup de Français, sans aller aussi loin que le Saint-Sépulcre, font leur pèlerinage armé en Espagne, où il y a aussi des infidèles à combattre. Alphonse avait pris Saragosse avec l'aide des seigneurs du Midi. Quelques-uns de ces aventuriers agissaient pour leur propre compte, comme ce Robert Burdett, anglais ou normand d'origine, qui avait enlevé Tarragone et la tenait de son droit seul. Il y a des croisés dans les armées de tous les rois d'Espagne. Des soldats flamands, anglais, allemands, qui faisaient route par mer, probablement vers la Syrie, relâchèrent sur les côtes du Portugal, et, trouvant là à se battre et à gagner, se mettent au service du souverain, l'aident à chasser les musulmans et se fixent dans le pays. Les républiques italiennes accordent aussi ou vendent leur concours. Les Génois, les Pisans, les Vénitiens prêtent leur flotte, aident à la conquête des îles et des places maritimes. Les ordres militaires, créés par les croisades, s'établissent dans la vallée de l'Ebre. Alphonse le batailleur est si reconnaissant de leur service qu'il lègue par testament son royaume aux chevaliers du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem. Les royaumes de Castille et Léon auront en outre leurs ordres nationaux, Calatrava, Alcantara, Santiago, comme si dans la lutte contre les infidèles, leur effort avait été plus grand et que, plus éloignés de la frontière, ils aient moins attendu du secours de l'étranger. À la tête d'une armée composée d'Aragonais et de croisés anglais et français, l'infatigable roi d'Aragon ouvrit la campagne par la prise de Mequinenza. Puis, il vint mettre le siège devant Fraga. Une armée almoravide s'avança au secours de cette place importante. Pour tenter la cupidité de l'ennemi, elle fit marcher à l'avant-garde la longue file des chameaux, chargée de bagages, d'étoffes précieuses, de richesses de toutes sortes. Les assiégeants coururent à cette proie qui s'offrait sans défense, pendant que les troupes musulmanes opéraient un mouvement tournant et leur fermaient la retraite. Alphonse fut tué les armes à la main, ou mourut quelques jours après de ses blessures. Alphonse VII, roi de Castille. La grande algarade d'Andalousie. La mort de ce prince belliqueux et la faiblesse de l'Aragon sous ses successeurs mettaient au premier rang la Castille et son roi, Alphonse VII. 1126-1157. Lui aussi avait recommencé la lutte, mais, plus heureux que le roi d'Aragon, il vécut assez longtemps pour profiter des divisions des Almoravides. L'année même du désastre de Fraga, il prenait la ville de Coria. Tashfin, fils d'Ali, avait de son côté envahi le territoire de Tolède. Mais derrière ce boulevard avaient grandi en pleine sécurité les villes de la vieille Castille. Ces colonies chrétiennes, peuplées de soldats et de laboureurs, respiraient un esprit fier et batailleur. Les milices de Ségovie et d'Avila attaquèrent de nuit l'armée de Tashfin et la mirent en déroute. Encouragé par ce succès, Alphonse VII voulut renouveler l'exploit du roi d'Aragon et venir jusqu'en Andalousie défier la puissance musulmane. Il descendit la vallée du Guadalquivir et passa le fleuve entre Cordoue et Séville. C'était alors les jours de la moisson, dit la chronique, et le roi fit mettre le feu à tous les champs de blé, couper les vignes, les oliviers et les figuiers. La terreur s'abattit sur tous les Moabites, Almoravides, et les fils d'Agar, musulmans et andalous. Les païens abandonnèrent les places qu'ils ne pouvaient défendre et se retirèrent dans les châteaux forts, dans les antres des monts et dans les îles de la mer. L'armée chrétienne vint planter ses tentes devant Séville, brûlant toutes les villes et les châteaux abandonnés. On ne saurait compter les captifs, le bétail, l'huile, le vin et le blé qu'ils rapportaient au camp. Les mosquées des infidèles étaient livrées aux flammes avec leurs livres impies et les docteurs de leurs lois passés au tranchant de l'épée. Passant de là à Xérès, le roi la détruisit de fond en comble et poussa même jusqu'à Cadiz. Ces courses aventureuses, ces razzias énormes, les algarades, visaient immédiatement la dévastation et le pillage, mais préparaient de loin la conquête par la ruine et la dépopulation du pays ravagé. C'est grâce à cette méthode, inconsciente peut-être mais sûre, que les chrétiens préludèrent à l'occupation de la Nouvelle-Castille. Jusqu'au XIIIe siècle, ils ont employé en Andalousie les mêmes procédés. Certes, le climat de l'Espagne et la nature du sol ont contribué pour une large part à étendre les espaces déserts, les paramos de la péninsule. Combien plus encore ces habitudes de dévastation systématique dont les poblaciones ne parvenaient jamais à faire disparaître toutes les traces. Triomphe des Almohades. Les maîtres de l'Andalousie n'étaient plus en état de la défendre. L'Afrique était le théâtre sanglant de luttes où les Almoravides avaient le dessous. Maroc, leur capitale, tomba en 1146 au pouvoir d'Abd el-Moumen et 40 000 Almohades franchirent le détroit pour aller leur disputer leurs possessions espagnoles. Ils y étaient appelés par une insurrection. Les idées de réforme religieuse dont ils s'étaient fait les apôtres armés avaient provoqué une vive agitation jusque dans les Algarves. Ahmed ibn Kassi souleva cette province, tandis que Yahya ben Rania, le général almoravide, étouffait la révolte, elle s'allumait derrière lui, à Valence, à Murcie, à Cordoue, à Almeria. Comme il n'avait plus aucun secours à attendre de l'Afrique, il s'adressa au roi de Castille. Alphonse VII lui envoya des soldats, mais il en faisait aussi passer aux insurgés. Il travaillait à entretenir les troubles, dans l'espoir que l'Andalousie, lasse et épuisée, se livrerait à lui. Mais les Almohades arrivaient. Elle pouvait choisir. Elle se donna aux musulmans. Ben Hania fut tué en 1148. Les derniers partisans des Almoravides, quoique soutenus par Alphonse VII, perdaient tous les jours du terrain. Lui-même fut obligé de reculer devant ses ardents sectaires. Ils lui enlevèrent la ville d'Almeria qu'il avait prise en 1147, sans qu'il pût rien pour la délivrer. Quand il mourut, 1157, l'Andalousie tout entière échappait à son influence. Mais les efforts de la Castille et les divisions des musulmans n'avaient pas été perdus pour les puissances chrétiennes qui formaient comme les ailes de la grande armée d'invasion. Raymond Béranger, comte de Barcelone et régent d'Aragon, avait pris Lérida, Fraga, Mequinensa, Tortose et reporté au-delà de l'Ebre les frontières de ces États. À l'autre extrémité de la péninsule, Alphonse Henriquez, roi de Portugal, s'était emparé définitivement de Sintra, de Santarém et de Lisbonne, 1147. C'était au tour des Almohades de prendre l'offensive. Le nouveau commandeur des croyants, Abou Yacoub Youssouf, fils d'Abd el-Moumen, attaqua encore une fois les villes qui servaient de boulevard à Tolède. Il prit d'assaut Cuenca, mais Huete résista victorieusement à tous ses efforts. Alors il se tourna contre le Portugal et vint mettre le siège devant Santarém. Mais il fut surpris dans son camp et blessé mortellement d'un coup de lance, 1184. Son fils, Abou Youssouf Yacoub, surnommé El Mansour, ne put venger ce désastre humiliant qui portait au nu la gloire portugaise. Il fut plus heureux contre les Castillans. La rencontre eut lieu à Alarcos, près de la moderne Almagro. Le nouveau roi de Castille, Alphonse VIII, abandonné à ses propres forces par les autres rois chrétiens, fut complètement défait, 19 juillet 1185. Alarcos, Calatrava, furent le prix de la victoire. Heureusement pour les vaincus, Abou Youssouf retourna à Séville et ne poussa pas plus loin ses succès. Triomphe définitif des chrétiens. Las Navas de Tolosa, 1212. Ce fut le dernier grand succès des musulmans. Alphonse VIII employa les loisirs qu'il lui laissait à préparer la revanche. Il attendit longtemps le moment opportun. Pendant de longues années, il fut occupé à combattre les rois de Léon et de Navarre qui faisaient passer les ambitions personnelles avant les intérêts généraux de la chrétienté. La papauté dut intervenir pour mettre fin à cette lutte scandaleuse. Aussitôt que le roi de Castille eut les mains libres, il envahit l'Andalousie et ravagea la région de Jeanne et de Baïsa. Les cris des populations attirèrent le nouvel émir, El-Nasser, qui débarqua à Tarifa avec une armée innombrable et se dirigea vers Séville à grande journée. Les chrétiens n'essayèrent point de défendre les défilés de la Sierra Morena et se contentèrent de jeter une garnison sur le rocher de Salvatierra. Au lieu de marcher contre eux, le chef des Almohades s'entêta à prendre ce fort perdu sur les hauteurs. Il y passa 3 mois et le résultat de la campagne fut perdu. Alphonse VIII voyait tous les jours augmenter ses forces. Il ne devait compter ni sur le roi de Léon, ni sur le roi de Navarre qui était secrètement d'intelligence avec l'ennemi. Mais il savait quel fond il pouvait faire sur le dévouement passionné de son peuple et sur le concours du Saint-Siège. En-Nasser annonçait hautement l'intention de pousser jusqu'à Rome pour y purifier Saint-Pierre et livrer le pontife aux outrages des soldats. Innocent III n'avait pas besoin d'être menacé. Il écrivit à tous les évêques de France de déclarer la croisade ouverte. Et cependant, les forces des infidèles paraissaient si redoutables que ce pontife à l'âme indomptable et hautaine recommandait au roi de Castille la prudence et lui prêchait la temporisation. Ses conseils avaient peu de chances de plaire à des esprits ardents et enthousiastes. D'ailleurs, ils arrivèrent trop tard. Beaucoup de croisés avaient répondu à l'appel du pontife. Les Français passaient les monts en troupes nombreuses, sous les ordres de leurs évêques. Il vint même des Italiens. Tous les renforts se dirigeaient vers Tolède, qui avait été désigné comme point de concentration. La plupart de ces ultramontains arrivaient sans armes et sans équipage. Il fallut pourvoir à leur armement. On les logea hors de l'enceinte, dans une ville de tente. Ce n'était pas une mince affaire que de maintenir l'ordre parmi ces étrangers. Un jour, ils se mirent à égorger les Juifs qui se trouvaient dans la ville. L'armée était nombreuse et pleine d'ardeur. Les ordres militaires, sous la conduite de leur grand maître, étaient au complet. Les cités avaient envoyé leurs milices. Le roi d'Aragon, Pierre II, amena l'élite de ses chevaliers. Le roi de Navarre lui-même, après beaucoup d'hésitation, n'osa pas se soustraire à ce grand devoir et rejoignit l'armée près de Calatrave avec 200 hommes d'armes. Seul, le roi de Léon resta sourd aux exhortations du pape et de la chrétienté. Tandis que l'archevêque de Tolède et ses suffragants marchaient avec leurs fidèles, les prélats, sujets du roi de Léon, laissaient à d'autres Espagnols le soin de décider la victoire. Les troupes s'ébranlèrent le 28 juin 1212. Elles s'avancèrent vers le sud à travers des plateaux désolés et des plaines incultes. Ces marches, longues et pénibles, sous un soleil torride, lassèrent le courage des croisés. Après la prise de Calatrave, ils demandèrent congé et rebroussèrent chemin. Tolède leur ferma ses portes et les salua au passage du cri de « Traître, félon, excommunié !» À la nouvelle de leur départ, En-Nasser prit l'offensive et ferma les défilés de la Sierra Morena. Un berger indiqua aux Espagnols un sentier qui leur permit de tourner le formidable passage de la Loza et de déboucher sur leur vaste plateau où ils pouvaient se déployer à l'aise. C'étaient les Navas de Tolosa, où les soldats du Christ et du prophète allaient vider leur vieille querelle et décider du sort de deux races et de deux religions. Le 16 juillet, à l'aube, l'armée chrétienne se rangea en ordre de bataille. Diego López de Haro, avec les Biscayens, formait l'avant-garde. Au centre, sous l'étendard où flottait l'image de la Vierge, marchait le roi de Castille, entouré de ricos hombres et d'évêques. Les rois d'Aragon et de Navarre avaient pris le commandement des ailes. En face, se succédaient en masse profonde les différents corps de l'armée musulmane. Arabes volontaires au nombre de 160 000, cavaliers almohades, andalous et berbères qui faisaient 80 000 combattants, flanqués et couverts d'un nombre immense de gens de pied. Puis une véritable armée d'infanterie régulière, suivie d'une autre armée de cavaliers. Toutes ces forces se mouvaient en avant de l'éminence fortifiée que gardaient 50 000 nègres sous les ordres du grand vizir. Sur cette hauteur resplendissait la tente de soie rouge de l'émir. Le commandeur des croyants se tenait là, assis sur un bouclier, dominant le théâtre de la lutte. Son cheval de bataille, tout harnaché, attendait. Il avait revêtu, pour la journée, la robe noire d'étudiant de son illustre aïeul, Abd el-Moumen. Elle lisait les passages du Coran qui promettent le paradis aux braves tombés à l'ombre des épées. Les chrétiens attaquèrent et furent reçus avec vigueur. Il y eut un moment de confusion. Alphonse VIII crut la bataille perdue et chargea avec une vigueur désespérée. La trahison vint à son aide. Les Andalous tournèrent le dos et disparurent. Alors, tout fut décidé. Les Espagnols arrivèrent jusqu'au retranchement défendu par la garde noire. En-Nasser fut obligé de fuir. Monté sur une jument rapide, il plongea dans le flot des fugitifs et gagna le soir même la ville de Jaén. Il laissait sur le champ de bataille plus de 100 000 soldats. L'action avait été si vigoureusement menée que les vainqueurs perdirent à peine quelques centaines d'hommes. Le butin fut immense. Le camp musulman regorgeait d'armes, d'étoffes de prix et de richesses prodigieuses en or et en argent. L'armée, chargée de dépouilles, se remit en marche 3 jours après. Baeza était déserte. Ubeda fut brûlée et ses habitants massacrés. Toute l'Andalousie aurait passé sous le joug si les rapines et les débauches n'avaient amené leurs résultats ordinaires, les maladies et la mort. Il fallut donner le signal de la retraite. Les troupes firent une entrée triomphale à Tolède, au milieu des chants de victoire du peuple et du clergé. Las Navas de Tolosa est plus qu'une victoire. C'est la fin de la domination musulmane dans la péninsule. Le flot des invasions africaines s'arrête et recule. Les Almoravides et les Almohades n'ont réussi qu'à retarder le triomphe définitif de la race indigène. L'élément arabe et berbère, confiné dans le bassin du Guadalquivir, ne peut plus songer qu'à défendre pied à pied les plaines de l'Andalousie et les vallées de la Sierra Nevada. Depuis ce jour fatal, l'empire des Sarrasins en Espagne alla en déclinant et plus rien ne leur réussit. La défaite ruina l'empire des Almohades. Les provinces qu'ils n'avaient pas su défendre cherchèrent à secouer le joug. Un descendant des anciens rois de Saragosse, Abu Abdallah ibn Oud, fut proclamé émir à Murcia et se présenta comme le défenseur de la nationalité andalouse. Le nouvel émir almohade El Mamoun le livra bataille et le battit sans pouvoir le réduire. Le vainqueur, impuissant à soumettre les musulmans espagnols, passa en Afrique et mourut quelque temps après. Avec lui se clôt la liste des souverains almohades vraiment dignes de ce nom. Jaime Ier d'Aragon, conquête des îles Baléares et de Valence. Pendant que les hommes mêmes faisaient défaut au monde musulman, deux grands princes, Jaime Ier, le conquérant, et Ferdinand III, occupaient en même temps les trônes d'Aragon et de Castille. Jaime, 1213-1276, grandit dans une minorité orageuse, avait reçu de la nature, avec un corps infatigable, une âme ardente, que seule la vie des camps et l'émotion des batailles pouvaient contenter. C'est un vrai chevalier. Avec 8 compagnons, il met en fuite 200 morts. Il avait autant d'opiniâtreté que d'élan. Devant Buriana, les Ricos Hombres, lassé des travaux et des misères du siège, le sommet d'abandonner l'entreprise. Lui s'indignait de reculer alors qu'il était encore sain et sauf. Un jour qu'il poursuivait l'ennemi jusqu'au rempart, « Deux fois, raconte-t-il, nous nous découvrîmes le corps de notre écu afin qu'une flèche pût nous frapper, et que si nous avions à lever le siège, cette blessure nous fût du moins une excuse. » Son cœur était naturellement bon. On le vit panser les blessés de ses propres mains. Il avait 24 ans quand il entreprit d'enlever aux musulmans l'archipel des Baléares. Les insulaires se livraient à la course, écumaient les mers voisines et faisaient 1000 avanies aux marchands chrétiens qui venaient trafiquer chez eux. Sur les plaintes des Catalans, Jaime proclama la croisade. De nombreux étrangers vinrent prendre part à l'expédition. La flotte, qui emportait l'armée d'invasion, était composée de 155 gros navires et couvrait la mer de ses voiles blanches. Partie de Salon le 6 septembre 1229, elle aborda à la pointe de Palomera, au nord-est de Majorque. À peine les chrétiens eurent-ils mis pied à terre qu'ils furent attaqués par un corps de 15 000 hommes. Ils les repoussèrent et se mirent en marche vers Palma, à travers un pays montueux et difficile. Toujours harcelés par l'ennemi, qui leur livrait bataille à chaque pas. Le siège ne fut pas moins opiniâtre. Derrière chaque mur écroulé, les défenseurs de la place élevaient un nouveau mur. Ils suspendaient au rempart les prisonniers chrétiens pour détourner les assiégeants et continuer le jeu destructeur des machines de guerre. Le jour de l'assaut décisif, quand les croisés eurent forcé l'entrée de la ville, il leur fallut prendre les rues une à une et emporter chaque maison. 1229. Malgré la peste qui faisait de grands ravages, Jaïm ne quitta pas l'île avant de l'avoir pacifiée et d'avoir soumis au joug les habitants des montagnes. Minorque avait été occupée par un détachement de la flotte. L'évêque de Tarragone entreprit à ses frais la conquête d'Ivissa. En 1232, la soumission des Baléares était achevée. Jaïm se tourna alors contre Valence. Il s'empara des villes qui en défendaient les approches et bâtit pour la brider le fort du Puig. En mai 1238, sans attendre toutes ses troupes, il vint se loger sous le mur de la place, où beaucoup de croisés français et anglais le rejoignirent. Quand la brèche fut ouverte, les Valenciens capitulèrent. Le roi leur laissa la liberté ou de rester dans la ville ou de quitter le pays avec leurs richesses. 8 septembre 1238. Beaucoup partirent pour l'exil. Dans les maisons et les champs déserts, Jaïm établit des Catalans qui vinrent faire souche de chrétiens dans l'ancien royaume musulman. Il constitua en outre sur le sol conquis 380 fiefs qu'il distribua aux chevaliers de la conquête. La prise de Xativa, 1248, termine la série des grands succès. Saint Ferdinand de Castille, conquête de l'Andalousie. Ferdinand III, plus connu sous le nom de Saint Ferdinand, 1214-1252, avait moins à compter que Jaïm sur le concours des étrangers, mais ses ressources étaient plus grandes. Grâce à la réunion, cette fois définitive, de Léon et de Castille, 1230, il gouvernait l'état le plus puissant de la péninsule. Aussi brave que Jaïm, aussi généreux, il porta d'aussi formidables coups à l'islam. Le bassin du Guadalquivir restait à conquérir. Il profita habilement des divisions des musulmans et ses premiers succès furent dus autant à sa politique qu'à ses armes. L'Andalousie se partageait entre les émirs qui s'étaient élevés sur les ruines de l'Empire almohade. Ibn Oud, qui avait donné le signal de la révolte, trouva un concurrent redoutable en Mohamed Ibn el-Amar, qui s'était rendu maître de Jaen, de Guadix, de Baïza. Leur lutte laissait le champ libre aux Castillans, qui, en 1233, ravagèrent tout le pays jusqu'à la mer. Les cris des victimes obligèrent Ibn Oud à se réconcilier avec Ibn el-Amar et à marcher contre les envahisseurs. Ceux-ci, surpris sur les bords du Guadalete, massacrèrent tous leurs prisonniers et s'ouvrirent un passage à la pointe de l'épée. 1238. Les discordes des musulmans affaiblissaient leur vigilance tandis que les chrétiens épiaient tout signe de relâchement. Ils avaient établi à demeure sur leur extrême frontière des corps irréguliers, armés et vêtus à la légère, les Almogavars, qui faisaient des courses rapides sur le territoire ennemi, pillaient, brûlaient et tuaient, et disparaissaient avant l'arrivée des secours. Ces enfants perdus de l'armée castillane apprirent par des transfuges que les murailles de Cordoue étaient mal gardées. Ils arrivèrent de nuit sous les remparts, les franchirent par escalade, massacrèrent les défenseurs et se fortifièrent dans le faubourg. La garnison de la ville ne parvint pas à leur faire lâcher prise. Ferdinand, prévenu de cet heureux coup de main, partit aussitôt avec les forces qu'il put réunir et vint attaquer le corps de la place. Ibn Oud fut assassiné à Almeria et Cordoue obligé d'ouvrir ses portes. 29 juin 1236. La leçon fut perdue pour les infidèles qui continuèrent à s'entrecombattre. Ibn el-Amar, délivré de son rival, s'empara de Grenade. Il voulut mettre la main sur le royaume de Murcie. Plutôt que de se soumettre à lui, les Valices aimèrent mieux faire hommage au roi de Castille. 1243. Ce prince ambitieux fut contraint par la nécessité de suivre leur exemple. Quand Saint Ferdinand vint mettre le siège devant Gênes, il essaya de secourir la place et fut vaincu. Dans son désespoir, il prit le parti de s'en remettre à la générosité du vainqueur. Il se rendit à son camp, lui céda Jaen et toutes ses autres villes, et se reconnut son vassal. Ferdinand releva l'émir agenouillé, garda Jaén et lui rendit le reste de ses états sous l'obligation de l'hommage et du tribut. 1246. Ibn el-Amar suivit son suzerain devant Séville qui, révolté contre l'émir Almohade, se gouvernait d'après ses propres lois. C'était la plus grande ville de l'Andalousie et son dernier boulevard. Tous, chrétiens et musulmans, sentaient l'importance de cette conquête. De tous les royaumes espagnols, il vint des renforts aux assiégeants. La défense fut supérieurement conduite. Elle dura un an. La famine obligea les assiégés à capituler. 1248. La plupart des Sévillans quittèrent la ville et se réfugièrent à Grenade. Lorsque Saint Ferdinand mourut en 1252, les anciens maîtres de l'Espagne étaient refoulés dans le massif de la Sierra Nevada, où ils soutinrent pendant deux siècles l'effort des chrétiens. Réduits à la défensive, bloqués à l'est par Valence, au nord par Cordoue, Séville et Jaén, ils ne pouvaient plus que prolonger leur existence sans espoir d'un retour de fortune. Le monarque castillan tomba épuisé par la fatigue de la vie des camps au moment où il s'apprêtait à franchir la mer pour occuper les ports africains d'où partaient pour Malaga, Gibraltar, Algésiras, des secours, des approvisionnements, des soldats. Quand la mort arrêta cette tentative d'isolement et de blocus, l'empire des califes de Cordoue s'était rapetissé aux proportions du royaume de Grenade. Fin de la section 62.